Gérard, c'est quand tu veux. Hein. Gérard. Gérard est toujours en retard, hein, c'est normal. De toute façon, c'est son dernier débat. Parce que j'ai que des mecs en plus. Bravo. Y a que des mecs. C'est... Ah, si, si, tu commences. Bon, bah, je commence pas comme ça, désolé. Mais si, mais si. Non, non, je commence pas. C'est bien. Gigi, Michel, Gilbert et Fred. C'est pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. Je commence pas le premier débat. On met un remix, celui de Christine. Tu fais ce que tu veux, tu mets un remix et les gens appellent au 0803-08-5000 et 0870-5000 et 3615 Confun TV, rubrique directe. Ah ben, on est à 14%. Non, ben, réveillez-vous. Ouais. Je commence pas le débat. Je commence pas le premier débat avec trois personnes, c'est tout. Donc, continuez à appeler. Mais c'est quoi le premier débat? C'est, je sais pas, Max Italie, donc. Non, c'est quoi? Ben, j'écoutais pas. Ben, c'est sur les ronflements et c'est tout. Non, mais c'était pas la virginité plutôt le premier débat? Non, ronflement. Manu? C'était virginité ou ronflement le premier débat? Virginité, ronflement, je crois. Ouais, ronflement. Tu ronfles toi, Gérard? Non, de toute manière, je commence pas à aller répondre. De toute manière, tu ronfles ou pas? Hop. Bah, tu ronfles ou pas? Non, mais. C'est l'antenne, tu es pas de. Non, non, mais pour l'instant. Bon, J'ai pas d'autres disques. Moi, je commence pas le débat comme ça. Bah, tu peux peut-être commencer à poser la première question déjà. Ah non, bah. Ah, à moins que ce soit pas toi qui les a écrits, tu les connais pas? Tu permets, c'est moi qui fais les questions, d'accord? Hein? Ah non. Je te permets? Ok. Ok. Tu vas ailleurs avec ta caméra, t'as pas besoin de voir ce qu'il y a là. D'accord? Il y a Alexandra qui. Il y a Alexandra, sur Minitel, qui a 18 ans et qui te demande si t'as pensé au consentif ce soir. Bon, alors déjà, Alexandra, tu vas commencer à te calmer avec ça, parce que si ça commence comme ça, ça va aller vite. Le premier débat, il va durer que 29 minutes. Ah, t'es monté à 16%. Il y a quelqu'un qui te demande si tu pars vraiment sur Skyrock. Oui, c'est ça. Ah ben, pourquoi pas. Pourquoi pas sur Europe 1 ou sur Europe 2. Justement. Ouais, mais ça sera pas des... C'est ça. T'as raison, continue. Continue à jouer avec ça. Ça ira. Donc la première question, c'est est-ce que votre copine ronfle? Est-ce que votre copine ou votre copain ronfle la nuit? Donc la première question, donc moi je pars pas avec trois personnes au débat, donc bonjour les auditeurs. Bonsoir. Alors donc on accueille DJ Michel, on accueille Gilbert, on accueille Fred. Ouais, salut. Yes. Good evening, Joe. Voilà. Salut, c'est Michel de New York. De toute façon, il faut bien des mecs pour répondre à la question. Bah, est-ce que votre copine ronfle? Parce que tu sais, des nanas qui ont des copines, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais de toute manière, pour l'instant, il est au sondage. Je l'ai prévenu mardi. Apparemment, il n'a pas compris. Écoute, Gérard, vu comment tu es... Non, t'as pas compris. Je l'ai dit tout à l'heure. Les filles n'ont pas voulu t'appeler. Ah ben, dans ces cas-là, je fais pas de débat comme ça. Arrête avec l'os, si tu veux. Oh! DJ, calme. On commence pas comme ça. Personne appelle. Donc le premier débat, vous allez réfléchir. Gérard, je pars pas avec 4 personnes. Je viens d'avoir Rita, je viens de la rappeler. Elle est là. 5 personnes. Non, d'habitude, sur le premier débat, on part à 6. Donc Manu, s'il te plaît, tu te réveilles, je partirai à 6 fois. Ouais, mais on part à 4, mais on nous. Non, toi, tu te tais pour l'instant. GG, on est avec des copains, on est plein, t'inquiète. Non. On est vierge, on ronfle. Mais pour l'instant. Est-ce que t'es vierge du ronflement, GG? Pour l'instant, c'est pas le thème du débat, c'est pas le premier débat, d'accord? Je vais pas commencer. Excuse. Gérard, j'appelle le premier. Non, mais si t'as du monde derrière, tu vas dégager. Ok. Ah, une petite question cool sur Minitel, Gérard. Il y a Pipe Express qui dit déjà qu'elle adore tes débats et elle te demande si tu as pris une douche le matin parce qu'elle te voit sur Fun TV. Dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal. Alors, t'as pris une douche ce matin ou pas? De quoi? T'as pris une douche ce matin? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle voit mon clito? Non. Elle te voit sur Fun TV et qu'elle te trouve plutôt pas mal aujourd'hui sans la moustache. Eh ben, dans ce cas-là, qu'elle appelle. Qu'elle laisse son numéro de téléphone, on la rappelle si elle veut faire. Gérard, je suis là. Quoi? Je suis là. Ouais, c'est ça. Ah, bah Rita. C'est ça, ouais, mais c'est ça. Gérard, c'est moi, c'est Rita. Et on accueille Barbara aussi. Allô, Gérard? Barbara? Oui, bonsoir. Ah, bah voilà. Voilà, oui. Barbara. Vous la fermez? Non, mais pour l'instant, tant que j'ai pas 6 personnes, je commence pas. On est pas 5, Gérard. C'est bon, tu peux commencer. Ah, mais attends, on est à 18% sur Minitel. J'ai quoi, là? J'ai rien du tout, moi. J'ai même pas les noms. Il y a Michel, il y a Rita, il y a Gilbert, il y a Fred. Hop. Eh, c'est ton boulot, Manu, quand même. Oui, mais toi, ton boulot, c'est de faire les débats, Gilles. Ouais, mais peut-être, mais toi, ton boulot, c'est de marquer les noms. Hein? Allez, fais pas t'améliorer, commence. Allez. Oh, s'il te plaît, tu vas te taire, toi. T'es godiche, hein. Oh, Bon, bah, si ça te... commence pas comme ça, parce que tard, tu as dégagé vite fait, toi. Donc, tu choisis. Quel bonnet. Comment? Comment? Hein? Attention à celle qui vient de dire ça, parce que ça va gerber ce soir, c'est sec. Parce que bonnet, ça veut dire connard en langage recherché. Bon, ah. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui c'est qui vient de dire ça? Bon, s'il te plaît, tu me sauves celui qui a dit connard. Ah, t'es à 21% sur Minitel, là, ça a continué à monter. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais oui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'inquiète pas, je sais aussi où que ça se passe. Mais Gérard, tu m'entends? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut te faire pour que ça monte? Michel. DJ Michel, yes. Je t'écoute de New York City. Non, non, mais c'est bon, tu dis bonsoir. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Hello, Michel. Gérard. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Il est 19h15 à New York. Je t'écoute sur Internet. Bon, lui, tu le sopes, tu lui dis qu'on lui dit bonsoir, qui sait. Il a rien de méchant, Gérard. Tu commences le débat, tu reposes la première question, que tout le monde y réponde. Attends que tout le monde est là. Alors, est-ce que votre copine ou votre copain ronfle la nuit? Donc, Claire. Allô? Claire, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Claire. Bon, t'arrêtes avec... Lost, toi. Oui. Ok? Alors, Claire, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Claire. Bon, allez. On va la première question, après on va se coucher vite fait. Bon, ben, toi, je t'ai reconnu, d'accord? Donc, tu vas te calmer, tu laisses parler les gens, ok? Alors, Claire, s'il te plaît, tu réponds à la première. Eh ben, écoute, moi, mon copain, il ronfle pas, mais il respire très fort. Mm-hmm. C'est un peu pareil, quoi. D'accord. C'est chiant. Mm-hmm. Barbara? Moi, mon copain, il ronfle. Donc, mm-hmm. Je vais m'endormir avant lui, et quand je l'entends ronfler, je lui demande de se tourner, il se tourne et il ronfle plus. Mm, ok. Et il bave aussi. Hein? Ah bon. Rita. Bonsoir Gérard, mon petit lapin en sucre. Bonsoir ma chérie. Ça va Gérard? J'ai pas regardé ce matin. Ah Gérard, trop bien. Excuse-moi pour la semaine dernière du petit problème technique du standard. Bon, c'est bon toi Gilbert, Michel, tu te tais s'il te plaît, merci. Donc pour toi Rita. Bah moi j'ai un copain qui arrête pas de ronfler. Mm-hmm. Et je lui donne des claques. Et je réveille. Ouais, mais alors, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein. Ah, mais si, parce que je lui donne des claques, mm-hmm. Et je lui suis sur son nom tout doucement. De quoi? Je suis sur son nom tout doucement et ça s'arrête. Quoi? Chuchoté. C'est un synonyme. Oui. Ouais, d'accord. Je chuchote son nom à l'oreille. Il ronfle la trompe. Ouais. Fred? Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de copine, c'est Fred, moi j'ai pas de copine, mais j'ai un chat et ouais, on... Non, on en a rien à foutre que t'as un chat. Attends, mais il y a un chat, il dort avec moi sur mon lit, et mon chat, il ronfle. Voilà, il s'appelle Gérald et il ronfle. Il s'appelle Gérald. Gilbert. En hommage à quelqu'un. Oui, pour ça, mon. De quoi, qu'est-ce que tu viens de dire, Fred? J'ai dit que mon chat s'appelait Gérald en hommage à quelqu'un. Ouais, d'accord. Bah, c'est pas Gérald. Non, mais je te préviens, ça ressemble un peu quand même, hein, ça ressemble. Non, mais c'est Gérald des G-Squad, attention. Non, mais je te préviens, tu as intérêt de rester tranquille, police, s'il te plaît, parce que sinon tu vas gérer vite fait. J'ai dit Gérald. Ok. Donc, Gérald, Gilbert. Gilbert. Donc, moi, c'est Gilbert, je couche pas avec Gilbert. Non, mais avec ton cochon d'Ode. Ouais, oh, bah. Vous la fermez. Gilbert, s'il te plaît. Pas de problème. Gilbert. Bon, allez, hop. Gilbert. Gilbert, dehors. Bon, il est plus là. Hop, bonne nuit, Gilbert. Alors, Michel. Michel est pas là ou quoi, là? Oh, c'est quoi, là, ce bordel? DJ Michel. Ah, là, il est là, Gérard. Oh, il travaille ou quoi, lui? Gérard, sorry, parce que là, je t'appelle de New York. Non, mais vas-y, accouche. Mais je t'écoute, je voulais juste dire un truc, je t'écoute par Internet. Il est 19h15 à New York, et je voulais juste saluer tous les Américains qui sont très nombreux à écouter les débats. Gérard, hop, hop. Bonne nuit. Gérard, t'es pas content d'avoir des gens qui... Non, mais attendez. Excuse-moi, Gérard, j'ai juste signalé les Américains, c'est tout. Bon, ouais, tu réponds à la question, c'est alors, tout. Moi, je dors avec mon ordinateur, il ronfle pas. Ouais, d'accord, tu dors avec ton ordinateur, bientôt, moi, je vais te faire dormir avec un téléphone aussi. Gérard, je suis seul, je n'ai pas d'amis, je suis désolé, merde. Merci pour le Larsen. Je n'ai pas d'amis, Gérard. Ouais, ben, je m'en fous. Deuxième question, comme ça va aller vite. Gérard, c'est Gilbert, je suis revenu. Ouais, voilà. Tu travailles un peu, donc, toi. J'aimerais répondre à la question. Donc, moi, ma copine, elle ronfle pas. Mais par contre, je suis vierge. D'ailleurs, j'en ai rien à voilà, foutre. C'est tout, non, mais c'est tout. C'est pas le thème du premier débat, d'accord? Ok, je vais m'occuper de toi, Gilbert. Ok, bon. Deuxième question. Ronflez-vous souvent en conduisant? Mais attends, Gérard, t'as pas répondu à la première question. Ah, bah, et toi, la première question, est-ce que ta copine ronfle en normand? Pour l'instant, j'ai pas de copine, ok. En bon entendeur, salut. Et comme ça, on fait. Je répondrai pas, d'accord. Et ton colombe, Gérard. Comment? De quoi? Ton colombe. Ronfle. Mon colombe? Ta colombe, je sais plus comment. Ton colombe. Ton colombe. Ta colombe? Oui. Ben, vous lui demanderez un peu plus tard. Donc la deuxième question, c'est original comme question, je crois, c'est. Ronflez-vous souvent en conduisant? Alors, bah, Claire? En conduisant. Bah écoute, Gérard, jusqu'à preuve du contraire, je m'endors pas quand je conduis. Mmh. Donc, mon avis, pour ronfler, il vaut mieux dormir. Donc, non, je ronfle pas quand je conduis. D'accord. Et est-ce qu'on peut ronfler quand on n'a pas le permis? Ah! Non, attendez, qui c'est qui pose cette question? C'est Fildar, enchanté. Ah ouais, Fildar. Donc, est-ce que tu peux ronfler quand t'as pas ton permis? Ah ouais? Non. C'est bête parce que. Non, parce que quand, pour ronfler, il faut avoir le permis. Bah, on peut ronfler en mobylette. Ouais, ben, ça sera dur pour toi, hein. On peut ronfler en mobylette. Ok, donc Barbara, oui. C'est Max. Moi je ronfle pas en conduisant, par contre ça m'arrive de ronfler en prenant l'ascenseur et ça m'inquiète. Ah bon, ah, d'accord. En montant ou descendant? Ok, Rita? Moi mon petit sucre d'orge, jamais je n'ai ronflé en conduisant. Bon, tu commences pas Olivier s'il te plaît. Non mais tu t'amuses pas comme ça. Tu as pas commencé le premier débat là. Sinon, j'arrête là. Assure. Là, j'arrête là. J'arrête là tout de suite. Allez. Gérard, t'as dit d'assurer, bordel. Alors, Rita, pour finir. Et moi? Donc, moi, je disais mon petit chou. Donc, jamais il est arrivé de ronfler en conduisant. Mm-hmm. Et donc, voilà, quoi. Non, mais est-ce que t'as ton permis? Oui, j'ai mon permis. Depuis combien de temps? Ça va faire 6 mois. Mmh. 6 mois, bah, t'es une jeune conductrice. Voilà, exactement. Ouais, donc t'as toujours ton petit A derrière. Ouais, ok. Ouais. Ok, bon. Moi j'ai pas répondu, je vois. Ouais, bah, mais une minute, je dirais à vous. Ok, vous allez commencer par vous calmer là, les mecs, hein, parce que vous commencez à me les gonfler. Fred. Ouais, bah, moi je sais pas, je dors, donc je me rends pas compte si je ronfle, quoi, quand je. Ouais, d'accord. Quand tu conduis, tu dors. Bah, écoute, pour ronfler, je vais pas ronfler réveillé, abruti. Bah, abruti toi-même. Bah, écoute, il faut bien que je dors si je ronfle. Non, mais attends, déjà, est-ce que tu ronfles en voiture? Bah, si je dors, ouais. Ah ouais, tu dors, tu conduis en dormant. Bah, écoute, si je conduis en ronflant, je conduis en dormant. Non, mais attends, et mon pote, là, je crois que t'as des casques de vide. Hein. Non, mais toi, tu ronfles pas réveillé, faut dormir pour ronfler, t'es bien d'accord, GG? Attends, pour conduire, faut dormir. Non, pour ronfler, il faut dormir. Ouais, bah, je te demande si tu ronfles en conduisant. Donc, si pour pouvoir ronfler en conduisant, il faut que je dorme. Ouais. Donc, je m'en rends pas compte parce que je dors. Donc, je sais pas si je ronfle. C'est clair. Ouais, tu sais pas si tu conduis non plus. Bah, ouais, a priori, ouais, t'as raison. Bravo, GG, ouais. Ouais, d'accord. Tout à fait. Bon, Gilbert. Ouais, moi, donc. Ouais, attends, Gilbert. Qui c'est qui veut poser une question? Mon petit chou. On fait des mathématiques là parce que j'ai pas très bien compris. Là. Ah, c'est mathématique. Fait tout à l'heure. Est-ce que c'est le théorème de Pythagore, tout ça ou quoi? Ouais, non. C'est pas loin. Le théorème de Pythagore. Ouais, c'est bon, t'as Gigi Michel, pour l'instant tu te. Gigi Michel, j'attends de répondre, Gérard. Ouais, ben. Bon. Bavard, parce que je trouve que c'est très mathématique tout ça. On fait en voiture, quand on a le permis, ensuite on passe par là. J'ai l'impression que ça forme un angle droit tout ça. D'accord. Ouais, c'est ça qu'on pense, Gérard. Ouais, ben, pour l'instant, moi, j'ai jamais conduit en ronflant, hein. Ça fait. Non, mais attendez, il y a Gilbert qui a pas répondu. Oui, je vais répondre. Donc, moi, c'est vrai, j'ai pas tout à cette source, mais je ronfle en dormant. Mm-hmm. Ah, ce qui se passe, c'est que je dors en même temps que je conduis. Ah, bah, je me prends un mur. Je dirais pas sous quel pont. Ouais, ben, allez, c'est bon. Allez, hop. Mais non, Gilbert, mais il a pas entendu. Il a pas dit. Je veux pas le savoir. Écoute, je m'endors. Je me tape un mur, donc l'airbag il s'ouvre et hop. Sur quel pont c'était? C'était l'Allemand, le Italie. Pont voilà, hop. D'Avignon. C'est le pont d'Avignon, Gérard. C'est bon, tu me le prends. Merci pour le Larsen. Merci pour le Larsen, tu prends donc Gilbert. Non, mais c'est bon. Dis-je Michel? Oui, alors Gérard, juste peut-être petite question parce que je comprends pas. C'est la question, c'est ronfler en conduisant ou conduire en ronflant? Non, c'est ronflez-vous en conduisant. Alors juste, moi j'ai testé tout à l'heure, je suis seul. Mm-hmm. J'ai eu l'accident parce que je ronflais en conduisant. Mm-hmm. Puis je suis en fauteuil, malheureusement. D'accord. Ah, c'est triste tout ça. Voilà. Ah, ok. C'est combien de roues? Comment? C'est combien de roues à ton fauteuil? C'est une 4 roues motrices. 4 roues motrices? Ouais, c'est ça. 4 roues motrices, ça sera pas un frein non plus. Ouais, c'est ça. Non, je vais quand même vous répondre déjà. Est-ce que tu as l'airbag? Okay. Non, mais, qui c'est qui parle, là, des trois filles? C'est DJ Michel. Non, mais... j'aimerais savoir s'il a fait le Paris-Dakar. Avec son... Bon, moi, je voudrais quand même répondre. Si vous me laissez parler, je pourrais peut-être répondre déjà aux deux premières questions. Donc, je ronfle pas la nuit. Comment tu le sais? Comment tu le sais que tu ronfles pas? Est-ce qu'on te l'a dit? C'est Quentin qui te l'a dit. Non, allez hop. Non. Gigi Michel dehors. Tu prends ce que tu veux, Gérard. Gérard. C'est bon. Gigi Michel, voilà. Allez hop, dégagez. Bonne nuit. Bonne nuit. Gérard. Bonne nuit pour lui. Les gens pour les canards sauvages. J'appelle les États-Unis. Je veux pas te savoir, ça, mais tu vas pas dire que c'est de mon pote. Bonne nuit à toi. Et Carole. Pareil. Toi, tu restes un peu poli, s'il te plaît. D'accord? Ah, c'est une insulte, Carole. Tu restes poli, d'accord? Allez, hop. Christine, Carole et tous ceux qui m'ont posé des lapins ou qui me prennent pour un con, c'est bon. Mmh. D'accord? Tu t'amuses pas avec le double son parce que sinon, en 5 minutes, j'arrête. Mais non, c'est le double airbag. Ok. Okay. Pour de bon entendeur, salut. Gérard, Gérard. Oui. Comment est-ce que tu sais que tu ronfles pas la nuit? Qui c'est qui pose cette question? C'est clair. Non, je peux te le dire parce que vu aller aux heures que je me couche, je risque pas de ronfler. Mais ça n'a rien à voir. De toute manière, que je dorme le jour ou la nuit, je ronfle pas. Mais comment tu le sais? Parce que je sais comment que je dors et j'ai jamais ronflé. Dans Minitel, il y a une réponse du Express qui dit que Gérard, effectivement, ne ronfle pas puisque Christine se posait son cul sur ses narines quand il dormait. Voilà, donc c'est fini. Bonne nuit pour lui, il n'aura pas de réponse. Donc, Gérard, comment tu peux savoir si tu ronfles ou tu ronfles pas? L'autre fois, t'étais tellement bourré, t'es rentré chez toi, t'as fait caca sur le paillasson. Bonne nuit, s'il te plaît. Ok, Gérard. Hop là. Dehors pour lui. Dehors pour lui, ça y apprendra. Alors maintenant, celui qui vient de dire ça... Non, mais c'est bon, je me doute qui c'est qui s'amuse à mettre ça devant ma porte. Ok, c'est bon. Donc, le ronflement, vous êtes-il en avion? Non, t'as pas répondu à la question aussi, est-ce que ta copine a ronflé? Pour l'instant, j'ai pas de copine. Est-ce que t'as déjà eu des copines qui ronflaient? Comment? Ta copine imaginaire, elle ronfle. Laquelle? Je sais pas, ta poupée gonflable, elle ronfle. Attends, ma poupée gonflable, t'emmerde, toi, connard. Ouais. D'accord. J'ai un truc, en tout cas, pour pas ronfler, il faut dormir sur le ventre. Ouais, attends, toi, pour l'instant, c'est de mon avec des coton-tiges dans le nez. Moi, j'ai un autre mail sur l'hôtel. Effectivement, il y a un sondage, on a trouvé dans un magazine. L'institut de lutte contre le ronflement a trouvé un remède miracle. Pour arrêter de ronfler instantanément, il suffit de se mettre un coton-tige dans le cul. C'est bien. Dans ces cas-là, continue comme ça. Dans son cul. Dans ces cas-là... Non, on continue. Troisième question. Le ronflement, vous êtes-il dans l'avion? Et on pense, je ronfle comme un cochon, avec un doigt où je pense. Hop, et on se retrouve tout de suite après. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Donc bonsoir à tous, la suite des débats. Donc on récupère Gigi Michel, je pense qu'il est encore là. Ouais, il est là, Bah, tu l'as calmé? Ouais. Non, si. Ça m'étonnerait. Si. Si tu m'avais pas pris le standard pendant le 10, j'aurais pu le calmer, Gérard. Tu me l'as calmé avant. Fred. Allô? Je suis là, ouais. Easy. Ouais, je suis là, GG, tu m'entends? Ouais. Ouais. Did you measure your thing to me, Gérard? Ouais, tu commences à te calmer un peu, toi. Ok. Okay. Donc, tu me le prends, tu me le calmes. You're welcome, Gérard. Gilbert. Oui, bonsoir, mon chou. Non, attends, je suis pas ton chou, d'accord, tu vas te faire foutre. Alors commence pas comme ça parce que tu as dégagé vite fait, toi. Je suis à la crème. Allez, Gilbert, dehors. Bonne nuit à toi. Hop. Non, c'est pas moi qui ai parlé, là. Non, c'est pas toi, mon cul. Non. T'en veux une aile? Ça fait un mon cul, en tout cas. Faut noter ça, Fred. Hop, dehors, celui-là. Gilbert, au revoir. Bonne nuit, Gilbert, on prend quelqu'un d'autre à ta place. À tout de suite. Ouais, à tout de suite, t'as raison, passe sous à un autre nom. T'as dû changer de prénom, tu mets René, ça marche. Ok, on accueille René. Mais Christine comme prénom. Non, alors c'est pas la peine, j'arrête. Continue. Non, Gérard. Donc la troisième question, tu peux la répéter? Non, mais attends, j'ai pas fini de présenter. C'est Fred. Ouais. On s'en fout, moi je m'en fous pas, d'accord? Ouais, je suis là, GG. Fred, Rita? Oui, je suis là, on s'est avancé que je suis là. Barbara? Oui, je suis là. Et Claire? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Donc, le ronflement vous gêne-t-il en avion? Donc, Claire? Le ronflement me gêne-t-il en avion? Bah oui, c'est chiant. Ouais, mais par exemple, si quelqu'un est à côté de toi pendant 3 ou 4 heures d'avion, ouais. Olivier, t'en supplie, s'il te plaît. Ok. Ok. J'ai déjà pris l'avion, je vois. Ouais, c'est... Oh, je te dis à Didier Michel de le virer. De... Non, mais Claire, répondez à la question, là, Claire. Continue de répondre. Donc, Claire, donc, je te disais, donc, est-ce que pour toi, est-ce que tu penses qu'en faisant 6 heures d'avion, par exemple, est-ce que le quelqu'un qui rompt la compte de toi, ça te gêne? Bah oui, ça me gêne. Je le prends par la fenêtre, tu vois. Je le prends par la peau du cul et je le mets par la fenêtre. Ouais, mais attends, par un hublot, tu vas ouvrir le bah hublot. Bah oui, bah oui, bah oui. Bien sûr, ça se trouve. C'est une fenêtre. Ouais, c'est ça. Mais c'est affreux de ronfler. C'est des dépressurisations de cabine. Mais, et puis après, mais non. C'est l'avion, il t'engage un petit peu. C'est le ronflement des réacteurs, moi, qui me dérange. Ouais, voilà. C'est pas parce que quand tu ronfles, on n'entend pas le réacteur. En fait. Donc à quoi ça sert de prendre l'avion si on n'entend pas le réacteur? Non, je crois que je t'avais demandé à Manu, je t'avais demandé de me virer Gilbert. Et... Il est plus là, c'est René. C'est René, bah oui. Non, c'est comme par hasard. Comme par hasard, René, il passe avec la même voix de Michel. Comme par hasard. Mais non, Michel, il est là aussi. Non, mais... Bon, tu dégages, toi, avec ta caméra, tu vas pas m'emmerder, d'accord, ce soir. Oh. Attends, mais j'ai pas dit tout la même voix, qu'est-ce que tu racontes? Bon, bah, si t'es pas content, tu vires, toi. Continue, Jean. Ok, Barbara. Oui. Et pourquoi? Moi, ça me gêne pas. C'est pas la peine... attends. Manu, c'est pas la peine d'essayer de lui dire de passer pour une autre voix, hein. Mais je lui dis pas ça, je le calme, Gérard. Ouais, oui. Je le calme pour que tes débats soient bien. René, attends, Gérard, je le calme pour que tes débats soient bien. Ouais, non, mais... C'est bon, en plus, il me calmait. Ouais, ben, tu vas déjà te taire, toi. D'accord? Ok. Parce que tu vas pas te faire passer pour Gilbert ni René derrière, ok? Ok. Parce que maintenant, tu vas pas faire, tu vas pas continuer comme ça. Ok. Je te dis. Donc, Barbara. Oui, ben, moi, ça me gêne pas, parce que je prends pas l'avion, donc les gens peuvent ronfler. Non, mais est-ce que t'as déjà pris l'avion? Oui, mais les gens ne ronflaient pas, donc je peux pas dire... Que... Olivier, s'il te plaît! Ça m'apporte. Bon, allez, moi, j'arrête. Mais non, Gérard, Gérard, c'est bon. Olivier, ça commence à bien faire. Rest, please, Gérard. C'est qui l'américain, là? C'est DJ Michel. Hey, DJ Michel. How are you? Hey, il me semble que je t'avais dit de virer, lui. Ah bon? Non, c'est bon, oui. C'est bon, Gérard. J'ai rien dit. Donc, Barbara, pour finir, pour continuer le thème du débat, parce que je sens que ça va être la fin. Non. Je pense que ça va être la dernière question, parce que je crois que le premier débat, il commence à foirer. Allez, et je pense que le deuxième, il va être pareil. Non, Gérard, Gérard, c'est assez sérieux, là. J'ai le nouveau patron en ligne qui demande que tu... Non, mais ça. Je te le passe. Attends, bouge pas. Allez-y, parlez, monsieur. Bonjour. Allô, monsieur patron. Allô, oui. Oui, allez-y, parlez. Allô, monsieur Gérard. Ouais, je vous écoute, là, maniez-vous. Oui, bah, c'est Axel. Vous continuez l'émission et vous me parlez autrement, s'il vous plaît, monsieur Gérard. Ouais, c'est bon, c'est même pas lui, allez. Vous continuez l'émission et vous me parlez autrement, on va voir si c'est pas moi. Bah, c'est même pas le vrai patron, dans ce cas-là, vous descendez. J'arrive. Ouais, bah, venez. Hop, comme ça, ça va plus vite. Toi, tu vas te faire venir, toi. Bah, bah. Bon, bah, Gérard. Bon, qu'est-ce que je viens de te dire avec DJ Michel, là? Punaise, mais Manu, okay, s'il te plaît, mais merde! Petite publicité par rapport à... Bon. Oh non, mais moi, je commence à ras le bol, là! Non, Gérard, se calme, petite pause publicitaire. Non, y a pas de pause publicitaire. Moi, d'accord, les sondages, ça, c'est de la merde. Si, beaucoup d'animaux ronflent. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est même pas la peine de me dire les sondages. En train de ronfler, c'est des conneries. Qui faisait un bruit bizarre, il avait un tatou dans le nez. Bah, mais voilà, comme par hasard, il aurait récupéré ça où? Dans les trucs de sondage AFP. Encore. Dans les chiens de lait locaux. Bah voyons. Continuez à jouer comme ça, vous allez voir le deuxième débat comment qui va se faire. Non, c'est bon, Vera. Enfin, Rita, pour toi. C'est important, alors. Donc moi, mon chouchou, je vais te raconter une anecdote. Tout d'abord, j'ai voyagé beaucoup de fois en avion et une fois, il y avait un mec qui était assis à côté de moi. Il n'arrêtait pas de ronfler durant tout le vol. J'ai pas arrêté de lui foutre des claques. Il n'a pas arrêté. Ouais, mais tu penses que foutre des claques à un mec, c'est une solution pour qu'il arrête de ronfler? Ouais. Ça me gêne énormément, Zara. T'es pas un peu violente? Non, du tout, non. Parce que tu frappes quand même... Bah, de toute manière, les questions... Non, mais c'est des petites tapes, hein, Zara. C'est pas des borrées dans la gueule, non? Non, quand même pas. Bon, qui veut réagir aussi avec ce que Rita dit, là? Gérard, on accueille Mokhtar à la place de Didier. Mokhtar! Salut, Mokhtar! Voyons! Qu'est-ce que je te dis? Quoi? Je me choisir d'autres personnes! Eh bien, c'est d'autres personnes, c'est Mokhtar! Ouais, bien sûr! Bonsoir, monsieur Gérard! Voilà! Bonsoir, Mokhtar, comment vas-tu? Ouais, vas-y! Bonsoir, Mokhtar, tu vas bien? Ça va bien, les amis? Oui, comment tu vas? Oh non, vas-y, c'est bon, moi je continue pas en débat. Non, vas-y, Continue pas un débat comme ça. Mais Gérard. Continue pas un débat. Gérard. Continue pas un débat dans un bordel comme ça. On s'excuse, on arrête. Continue pas un débat comme ça, c'est tout. Gérard, on s'excuse, on arrête. Gérard. Voilà, et voyons, continuez. Ton débat est tellement chiant qu'il y en a qui dorment. On continue. Vas-y. Laisse-les bien faire au lieu de les calmer. Non. Mais c'est à toi de les calmer aussi. Mais ouais, Gérard. Mais attends, c'est à moi de les calmer, c'est pas le standard. Mais tu gueules, Gérard, tu gueules tout le temps. Punaise. Non, mais Gérard, allez. Allez hop. Quatrième. Gérard, j'ai pas répondu. Moi non plus. Non, attends. On t'écoute, c'est. Ah ouais, mais attends. Déjà, lui, tu lui interdis, tu lui retires l'os, qu'il arrête pas. Et qu'il arrête les doubles bruits. Donne-moi les doubles bruits. Il y a Axel du groupe. Les doubles bruits. Non, mais tu arrêtes de s'amuser aussi avec... déjà, parce que je voyais très bien que comment que ça allait se terminer. L'histoire des contentis. Et derrière... Manu, tu travailles. Ouais. Un petit peu. Et Gérard, c'est pas bête de t'énerver non plus toutes les deux secondes, parce qu'on a l'impression que dès qu'il se passe un embryon de quelque chose, tu t'énerves. Donc, un débat, c'est comme dans les hommes politiques, il y a des gens qui sont d'accord, ça gueule un peu, c'est comme à la télé, donc il faut accepter. Exactement. Il y a certaines... c'est vrai, j'entends des hommes politiques avec des contentis dans le cul, mais... Alors quand je lui demande de virer Gilbert, c'est pas la peine que Gilbert... Non, mais Gilbert, c'est pas la peine qu'il vienne. Gilbert, il est parti. Non, non, mais c'est pas la peine qu'il revienne sous le nom de René, comme Pilder a été dire. Bravo. Tu fais mal ton travail. Il a un pré-standard, Pilder. Alors... Ouais, non, mais dans ce cas-là, il y a quelqu'un à côté de toi qui me prenne. Qui me prenne. Ouais, qui me prenne. Ouais. Oh, alors. Là, tiens. Là, ok. Hop. Bonne radio. Hip-hop. C'est la radio. Ouais, ben attends, je te passe Ringo, ok? C'est une star. Voilà, Ringo. Ouais, mais tu vas, mais si ça va pas, hop, tu prends autre chose. Appelle le Ringo, DJ Ringo. Hein? Donc, Il s'appelle DJ Ringo. Hein? Gérard? Oui. Gérard, t'as une feuille propre et t'as tous les noms dessus, donc voilà, y'a pas de problème. Mais non, mais. C'est quoi ça? Gérard, tu peux poser une question? Bon, Gérard, on pourrait continuer? Allez, on continue. Prends celui qui ronfle, t'arrêtes? Mais n'y pense pas, celui qui ronfle, t'arrêtes! C'est un débat sur les ronflements! Bah, il faut le réveiller, hein! Bon, et là, ça commence à bien faire! Pense au coton-tige, hein! Barbara, bonne nuit! Barbara, bonne nuit! Eh ben voilà, Barbara, salut! Quoi? Rita, je voulais savoir, parce que Mokhtar avait quelque chose à dire et je sais pas, tu l'as coupé, là! Non, non, mais pour l'instant, si c'est possible d'avoir deux disques avant de continuer le point de la prochaine question. Alors, deux, ta copine là, elle est partie, elle revient tout à l'heure vers 2h30, elle est partie avec Henri. Comme bien sûr, j'ai compris. Et voilà, encore. En plus, il a chaud fait à l'heure, le Ouais, c'est ça. Donc, on met deux disques. Non, il n'y a pas de disques. Mais merde, à chaque fois. Mais t'as fait une question, Gérard. Et bah, si je peux gueuler, vas-y. Écrase un peu, toi. Parce que qu'est-ce que t'es en train de me préparer, là? Quand on tige dans le cul. Voilà, alors donc, c'est pas la peine de commencer comme ça, ok? Quatrième question. Si j'en ai envie. Mais t'en as envie. Je vois tes yeux. Ouais, bah, peut-être. Pas moi. Dans ce cas-là, tu mets ta ça, je continuerai pas avant. Bon, Gérard, on peut poser une question, là, parce qu'on avance pas, là. Elle est revenue, ta nana, là-haut. Elle est toute excitée, elle m'a dit qu'elle mouillait la culotte et qu'elle t'attendait. Ouais, ben, qu'elle descende à côté de moi, me faire un massage, ça voudra mieux. Si j'ai moyen. Bon, ouais. Bon, allez, quatrième. T'entends, la nana, là-haut, là, tu descends lui faire un massage. La colombe, tu descends, me faire un massage, s'il te plaît, merci. Et voilà, ok. Macho. Bon, tais-toi. Bon, au Manu, on s'en va, là. Quatrième question. Vas-y, quand tu veux, sur toi, hein, Gérard. Gérard, on s'en fout. Arrête de me prévenir. Quatrième question. Y a-t-il un moyen pour arrêter devant le micro, Y a-t-il un moyen pour arrêter le ronflement? Ouais, c'est bon, hein. Y a-t-il un moyen pour arrêter le ronflement? Claire. Oui, il y a un moyen. Il faut savoir que le ronflement, c'est quand même une maladie. Ça se soigne et que on peut se faire opérer pour arrêter de ronfler. Ouais. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que ça se passe dans la gorge, je sais pas quoi, et voilà, tu vois un spécialiste, et il n'y a pas de problème, il t'opérera par laser ou je sais pas quoi, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mmh. D'accord. Barbara? Oui? Bah oui, je suis d'accord avec Claire. Puis il y a des opérations, il y a aussi des petites anesthèses de scotch qui se collent sur les narines et ça t'empêche de rire. Gérard? Non mais t'inquiète pas, je... Quoi ? On accueille Thierry de Brest. Bonsoir, à la place de Mokhtar. Salut Thierry, bonsoir, c'est Thierry 21 ans de Brest. Salut Thierry. Ça va ? Bonsoir, les filles. Quel temps Brest ? Donc, Barbara, tu viens de répondre ? Oui. Donc, Rita ? Pardon, mon fichou, moi je te dis, la seule solution, c'est les claques. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, une bonne claque, il y a que ça. Sans passer par l'hôpital, tout ça. Est-ce que tu es un peu violente, Rita ? Non, du tout, ma chère, non, du tout. Non, mais il n'y a pas besoin de faire... Là, on parle pas de violence. Hein. Attends, trois questions, trois claques. Non, y a-t-il un moyen pour arrêter le... Des claques très douces et très sensuelles. Non, mais attends, Rita. Oui, oui. Rita. Oui. Bon, celui qui veut parler derrière, t'attends 5 minutes, je vais quand même reposer bien la question. Y a-t-il un moyen d'arrêter le ronflement ? Donc, c'est, par exemple, je sais pas moi, Rita, Barbara ou Claire... Oui. Ou Fred, ou René, ou Thierry, ouais. Vous répondrez si vous voulez. Ouais, donc, si vous avez, par exemple, les trois filles et puis les trois gars. Ouais. Bon, les trois filles, si vous avez un copain qui ronfle, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, les trois garçons, bon, si vous avez une copine qui ronfle, comment que vous faites ? Ouais, un par. Non, mais attendez. Ah, c'était ça la question ? Ouais, mais. Un par lui mettre des baffes dans la figure. Et bien, moi, je lui demande de se tourner. C'est qui ? Voilà. C'est Barbara. Je lui dis, écoute, tu ronfles, tourne-toi et... Ouais, mais t'es obligé de le réveiller pour... Pas du tout, c'est ce que tu crois. C'est une bonne méthode, parce que moi aussi, je lui demande de... En fait, dans ton sommeil, il se tourne tout seul. Il se retourne et hop là, la surprise, hop là ! Ouais, c'est... Non, René, tu te tiens, s'il te plaît, pour l'instant, c'est des réponses sérieuses qu'on a, c'est pas des conneries. Non, René ! Tu ronfles, t'es dans un sommeil léger, et tu entends ce qui se passe autour, mais tu es inconscient. Elle a dit toute la vérité. Claire, s'il te plaît. Oui, je suis là, Gérard. Ouais, bah, tu veux savoir comment je fais, c'est ça ? Oui. Bon, et ben moi, je fais une petite... Ouais, une petite fellation. Ouais, ça. Bah, dis-le. C'est pas jusque-là, mais c'est pas loin, tu vois. Ouais, bah, tu fais une fellation, c'est bon. Là, tu m'entends du bureau, Claire. Alors non, mais attends, moi je suis peut-être un peu plus câline que ça aussi. Hein. Hein ? Je serais peut-être un peu plus câline que ça. Ah ok, bon, moi j'adore les câlins. Ah ! À chaque fois, toutes les semaines, je le dis que j'aime bien les câlins, donc ça commence à bien faire. Moi j'ai des mains douces. Bon, t'en gueule, toi. Non mais attends, le rire de Guenon, là, c'est bon. Hein. De quoi ? Le rire de Guenon que je viens d'entendre, c'est bon. Rita, pour toi. Oui, Gérard. Ah, c'est bon, tu me tombes celui qui ronfle quand on parle. Il vient pas d'ici, Gérard. Ouais, comme par hasard. C'est un mec qui ronfle et qui passe. Comme ça, j'entends pas ce qu'on me dit. Eh ben, c'est bien. Allez, hop, cinquième. Non, c'est bon, Gérard, tu m'entends ? Attends, mais non, mais... Gérard, tu m'entends ? Mais non, c'est bon, allez, cinquième. Pensez-vous que Max ronfle la nuit ? Allez, hop, on continue. Tu laisses pas répondre les mecs. Mais non, mais je m'en fous. Quand ça arrêtera de ronfler, quand je pose les questions, quand on me répond. C'est pas eux, Gérard. Non, c'est pas eux, c'est jamais personne. Aucun respect. Allez hop, on continue. Pensez-vous que Max ronfle la nuit ? Allez hop, Thierry. Mais j'ai pas répondu à la question d'avant. Moi non plus, Fred, j'ai pas répondu à la question d'avant. Allez, vous répondez à la cinquième là, maintenant j'en ai rien à foutre. Si ronfle la nuit, qu'est-ce que ça peut foutre ? On s'en branle. Bon, Gérard. Mais profond. Moi je veux répondre à la question d'avant. Ouais, moi aussi. Solution, c'est vrai que c'est un peu radical, mais pour ma copine. Je la prends violemment, la sodomisant avec du sable et des graviers. Pauvre tâche. T'adores faire mal à une nana. C'est pas mal, non, mais c'est pour moi. Non, t'as une sodomie, ça fait mal, arrêtez vos conneries. Vous me faites chier, là. Je me souviens de toi quand on t'a pris. Oh, j'ai la sexualité que je veux. Et attends, celle qui vient de dire les chiottes de la loco, tout à l'heure, tu as gerbé vite fait, toi. Elle aime ça, en plus, dans le vestiaire, je fais ce que comme je veux, là. Ben, tu feras mal si tu veux, mais dans ce cas-là, tu me le dis pas. C'est pas mal, elle aime ça. Ouais, ben, bah, tu me le diras pas à moi devant. Tu me le diras pas dans un micro, d'accord ? C'est pas mal. Ben, après, ça coule tout seul. Ouais, ben, c'est bien. C'est bien. Comment, qu'est-ce que vous... De quoi ? Elle adore ça, c'est l'effet des petites perles hémorroïdaires. Ouais. Et les perles, ça fait avec des aiguilles. C'est ça. T'as raison. Tu sais qui vient de dire ça ? C'est Thierry de 21 ans de Brest. Ouais, ben Thierry, ben mon pote, je crois que... C'est la vérité, je suis désolé, Gérard. Ouais. Enfin, bref. Ben, elle aime ça. Il a ouais, bon. Donné sa copine de l'intérieur. Donc, Claire ? Non, Christine. Oui. Bon, allez hop, moi j'arrête. Mais Gérard, dégage, c'est celui qui s'amuse à ça. Non, bah alors moi profitez-en parce que là ça commence à bien faire. Max y revient, donc. Non, mais Max, t'essayes de savoir. Il y en a qui s'amusent à faire des conneries, donc t'essayes de savoir. C'est à toi, Manu. Hein ouais, putain, mais dégage-le, Manu. Manu. Ouais, zéro. Gérard, tu reprends ta question. Cinquième question, pensez-vous que Max ronfle la nuit? Oui. Claire. Je l'ai déjà entendu. Bah écoute... Ouais, mais c'est mon équipe, mais attends, je vais te dire une chose, c'est une drôle d'équipe, hein. Lui, je l'ai prévenu depuis mardi, apparemment, il se fout de ma gueule. J'ai dit, c'est le premier débat, je veux du bon boulot. Apparemment, René. Attends, René là, qui se... René. Ah, mais Ringo, là. Ouais, mais... J'ai que des mecs, Gigi. J'ai que des mecs. Ouais, ben, je veux pas quoi, savoir. René. Ouais. René, apparemment. Bon, Ringo, tu travailles, oh. Il s'est passé pour Tony. N'importe quoi. Ouais, presque pas. Non, je crois pas. Tu crois pas que je suis reconnu? Le premier débat, on aurait dû faire la virginité. Hein. Ouais, Gérard, tu peux répondre. Gérard, attends, je pensais un truc là. Oh, le premier débat, t'as fait quoi là? Le ronflement? Ouais. Je t'ai demandé de faire la virginité, espèce d'abruti. C'est le standard. Il a bien fait pour ta gueule, t'assumes, t'es nul, je t'avais dit. Bah, ben, dans ce cas-là, bah, tu finis. Gérard, Gérard, Gérard, Gérard. Le deuxième débat, tu me donneras les questions, je les ferai moi-même. Gérard, Gérard, reviens, j'ai envie de te dire quelque chose, Verita. Ouais. Hey Max, au lieu de te sauver à l'antenne, Gérard, reprends le débat. J'ai demandé à ce qu'elle descende. Non, elle est pas là comme par hasard. On va la chercher alors, tu verras pendant un disque, elle est partie, elle revient à 3h. Elle est partie avec Henri au bois. Bon, c'est bon, ouais. Bon, ouais, maintenant tu me cales tous les mecs là. Bon, ouais. Fildar. Fildar. Fildar. Mais il est pas là, il t'écoute pas, laisse tomber. Bon, allez, vous mettez un disque. Gérard, c'est bon, réponds. On écoute, là. Gérard. Alors, moi, je pense que Max, j'en ai rien à foutre, de toute façon. Gérard. Mais moi, Gérard. Gérard. Gérard. Il travaille. Putain. Gérard. Tu vas arrêter, toi, avec tes doubles voix. Mais je n'ai rien fait. Gérard. Gérard. Gérard. Ouais. Gérard. Ouais. T'es là? Non, mais attends, pour l'instant, Olivier, il s'amuse avec les micros encore. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu balances deux disques. Alors, t'as une question. Est-ce que Max dort? Voilà, alors. Est-ce que Max ronfle la nuit? On met deux disques, point final à la ligne, on reprend après. À une condition qu'au standard, ça se réveille. Non, c'est un point final, on reprend. Très bien, le standard, là, Gérard. Bah, attends, tu permets, c'est pas toi qui commande, d'accord? Bah, je te donne mon avis, on est bons auditeurs, là. Non, mais pour l'instant, c'est moi qui commande. Gérard, vous voulez te dire quelque chose? Gérard, s'il te plaît. Gérard. Non mais Gérard. Punaise, oh. Punaise, fais ton punaise, débat. Punaise, oh. À chaque fois c'est pareil. Qu'est-ce que tu me... Bon, Fildar, tu balances le disque, s'il te plaît. Mais je les balance où? Ben, tu me donnes les titres. Je les amène, sauf un peu les auditeurs, j'arrive. Alors, tu prends... Bon, alors, croyez-vous que toutes les femmes ronflent 24 sur 24? Ah, au moins. Mais la question de Max, c'est fini? Terminé, on la saute, ça prendra à tout le monde d'être poli. On saute laquelle, c'est bien, ouais. Savoir. Quoi. On saute qui? On saute à 5. Carole, Christine, enfin, je sais pas. Bah voilà, continuez. Continuez à me faire rire comme ça, vous allez voir tout à l'heure le deuxième débat, comment qui va se faire. Je peux répondre, Gérard. Surtout que là, il y a quand même 13 questions sur le ronflement, alors... Gérard. Je réponds. Claire. Oui. Alors. Sur la question sur les femmes. Oh, attends, si t'es pas content, Lascar, c'est Gérard, pareil. Là, tu attends. Il a raison. Je sais plus où s'en est le débat là. Je sais même plus où s'en est le débat moi. Pour l'instant, j'ai demandé à ce qu'il y ait deux disques. Non mais attends, on vient d'en mettre un disque. Non, attends. Gérard, on veut répondre. Tu l'as dit toi-même, il y a 13 questions. Vas-y, pose ta. Mais ça y est, les composés. Ok. Mais tu passes ton temps, hein, on sait même plus. On sait même plus. Répondre, hein. Alors vas-y, c'est qui? C'est Thierry Vincent. Alors vas-y. Alors je pense que la dernière fois j'ai entendu une femme ronfler, c'était lorsque je l'ai prise dans un avion, dans les chiottes de l'avion. Comme par hasard, tu dis les chiottes de l'avion pour pas dire les chiottes de la loco. Oh. Olivier, t'arrêtes avec le double son, s'il te plaît, maintenant. Maintenant, non. D'accord. Non, mais t'as jamais fait l'amour dans un avion, Gérard? Moi, j'ai déjà fait l'amour. T'as jamais fait l'amour. Fous pas de ma gueule, là-bas. Bon, allez, hop. Les éléphants avec une capote, c'est marrant, tout nu. Hop, nu. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là! Gérard! Vas-y, Gérard. C'est quand tu veux. Allô? Ouais, donc, rebonsoir. Rebonsoir à tous. Donc, la suite du débat, donc, on va abréger sur le ronflement, et je pense, donc, même pas, on va laisser tomber le ronflement. Mais non! Gérard, puis-je poser une question? Gérard! Vas-y. Est-ce que le débat sur le ronflement ne serait pas un peu soporifique? C'est-à-dire? Soporifique. Soporifique. C'est quoi ça? Soporifique. Je connais pas le mot soporifique. Ouais, putain, mais abrégé quand vous dites des questions, quand vous voulez poser des questions qui tiennent pas debout. Bah attends, c'est un mot qui touche qui est plus français. Ah oui, ton débat c'est pour la soporifique. Comment ? Ton débat c'est pour. Qu'est-ce que. Attends, j'ai mal entendu là, celui qui vient de dire ça. Moi j'ai pas entendu non plus. Ouais, comme par hasard. Moi j'ai entendu que c'était soporifique. Il l'a coupé au moment que. Est-ce que c'est soporifique, Gérard ? Soporifique. Ouais, bon, unilatéralement, forcément. Bon, c'est bon. Allez, hop. On attaque le deuxième épisode. Gérard, en antenne, c'est pas du tout ce qu'on a dit. On a dit que tu finissais avec 2-3 questions et t'as dit OK. Et après, on attaque je reviendrai après. C'est celle qui te paraît le plus intéressant. Je reviens. Celle qui t'intéresse le plus. Sur la 6, donc croyez-vous que toutes les femmes ronflent 24 sur 24, alors si on pouvait avoir Claire, Barbara, Rita, Fred, René, Thierry. On est là. Donc, alors maintenant, si je demande à chacun de me répondre, c'est pas au mec de parler, parce que le premier qui l'ouvre, dégage. C'est clair et net. Ça va aller vite. Mais demande pas qu'à Claire, alors. tu permets, je prends les gens que je veux. Ok. Alors, si t'es déjà pas content, tu retournes les gens au standard. Allez, hop, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ok. Je suis content. Bon. M'excuse, Claire. Alors, Claire. Oui. Bah écoute, à mon avis, non, toutes les femmes ne ronflent pas. Mm-hmm. Mais beaucoup ronflent aussi, donc je sais pas, moi spécialement si je ronfle pas, on m'a jamais dit que je ronflais. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Barbara. Moi, je pense que quand même, 24 sur 24, ça fait beaucoup. Bon, moi, je mettrais plutôt du 12 sur 12 et à 50%. Ok. Rita? Moi, genre, je pense que bon, la plupart des femmes ne rompent pas, mm-hmm. mais il y a une catégorie de femmes, ce sont les femmes marmottes, et elles rompent 24 heures sur 24. C'est quoi ça? C'est la cousine des femmes fontaines. Comment? Ce sont les cousines des femmes fontaines. Oui, voilà, exactement. C'est oui, 24 sur 24. Ouais. Fred? Ouais, ben, je suis d'accord avec les marmottes. Attends, Fred. Quoi? Rita, c'est quoi une marmotte? Comment? C'est quoi une marmotte? Ben, c'est un animal, Gérard. Mais c'est une sorte de synonyme, on dit une femme marmotte, genre. Voilà. Ouais, mais c'est quoi une femme marmotte? C'est celle qui ne se réveille pas. Elle dort tout le temps. Elle peut dormir. Elle dort 24 heures sur 24. Genre voilà. Le matin, elle se réveille, elle dort. Ensuite, la 5 elle minutes, prend sa douche, elle dort. Et ensuite, c'est un cycle. Non, mais ça a été prouvé scientifiquement. Ah, elle hiberne. Non, mais attendez 5 minutes, là, les gars. Rita? Oui, ça. Il y a quand même un truc, tu n'aurais pas été chercher ça dans le dictionnaire ou quelque non. part dans les proverbes. C'est comme une sorte dans les proverbes. T'as regardé dans le kid? Non. C'est un proverbe, ça, à mon avis, pour que non, tu. Non, c'est bien, Fred. Fred, René, Thierry, s'il vous plaît, vous vous taisez. Laissez parler un peu, Gérard. Ouais. Donc, Rita, moi, à mon avis, c'est un truc que t'as été chercher dans. Non, c'est sur un magazine scientifique. Ah oui, ouais, c'est connu. Ouais, c'est un proverbe. Non, c'est dans Okapi. Taisez-vous, s'il vous plaît, derrière. Okapi. Non, du tout, c'est dans une revue américaine. Je ne sais pas si on a encore Eddie Mitchell, Gérard. Non, il n'est pas là, Eddie Mitchell. C'est dans Nos Amis les Bêtes, je confirme. Non, du tout, non. Ok, Rita. Ok, c'est bon. Fred. Bah moi je pense que ouais, je suis d'accord, les marmottes, les femmes qui dorment tout le temps, c'est celles qui hibernent, hein, c'est clair. Non mais attends, croyez-vous que les femmes ronflent 24-24 eh ben. Non mais c'est pas la peine de reprendre ce que Rita vient de dire, d'accord? Écoute-moi, si elles ronflent 24 sur 24, c'est qu'elles dorment 24 sur 24, donc ouais, elles voilà, hibernent, d'où les marmottes, c'est pour ça. Ok, René. Ouais, donc sur les femmes marmottes, un petit truc que je devrais rajouter, c'est les copines aux sombreros. Et donc, donc j'ai une question à te poser, est-ce que Christine était une femme marmotte? Allez hop, René dort. Bonne nuit, René. Laisse couler. Terminé pour lui. Ça y est, ça y est, il est plus là. Remplace-le par n'importe quoi. Tu me le changes, c'est même pas la peine qu'il passe sous un autre nom. Tu changes, okay. En Didier. C'est pas style. Non. Parce que de Gilbert, il passe avec une voix de René. Maintenant, si tu me le passes Je suis en fil d'art. Okay. Non. C'est même pas la peine parce que je continuerai pas les débats avec lui. Non. Donc, Thierry je voulais dire, moi j'ai lu dans un magazine américain, Occupy, mm-hmm. que les femmes qui dormaient donc constamment étaient dépendants et tributaires de toute forme ecclésiastique. Ah, c'est-à-dire Non mais on se calme derrière là les nanas. Ah bah non mais là, c'est-à-dire confiné uniquement au mode de vie reclus en ermite. C'est clair. Moi je l'ai lu ça aussi. J'ai jeté les randonnées pédestres. Non. Bon. c'est pas la peine de se marrer comme des pétasses derrière. Mais étiez dans le dernier, c'est pareil. Gérard, tu pourrais être plus poli. Hein. Ah ben, peut-être, mais vous n'avez pas besoin de vous marier. Bon, écoute, c'est rigolo. Bon, ok. Alors maintenant, la dernière question. Et voilà, toc dans ta gueule. Bien dernière envie, question. Ouais. Pensez-vous qu'on peut ronfler lors d'un mariage ou d'un divorce, Claire? Non, tiens, Thierry. Thierry, comme par hasard. Allez, vas-y. Écoute, tiens, tu me donnes le temps de la réflexion. Non, t'accouches tout de suite. Il me semble avoir lu. Attention à ce que tu vas dire parce que tu as dégagé vite fait. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Non, mais tu te dépêches de répondre. Oh, laisse-le répondre, hein, tu m'as pas laissé le temps de la réflexion. Non, mais de toute manière, je te prends au hasard. Allez, hop. Alors, moi, j'ai lu dans Pife. Pife Gadget. Pife Gadget. Pardon. Excusez-moi, magazine. On disait que il était préférable d'avoir l'alliance au petit doigt. Ouais. Pour éviter le sommeil. Il t'écoute pas, il a enlevé son casque. Oh là, il y en a un qui a fait un petit vide, là. Mais moi, je l'ai lu dans Pife. C'est une méthode chinoise, c'est ça? Fred? C'est une méthode ancestrale. Ouais, ouais, le ronflement. Ouais, j'ai vu ça dans Pife aussi, je confirme. Comme par hasard. Bah, écoute. Dans Pife. Dans Pife. Non, mais faudrait peut-être parler comme un français, vous dire que... C'était pas la Pife. C'est pas la Pife. Mais non, c'est pas pareil, Gérard, tu m'as... Non, dans Pif, c'est pas pareil, Pif, c'est pas pareil. Et Pif Gadget, c'est le truc avec les godmichons qui... Pif, c'est un magazine derrière, hein. Nous, on parle de Pif, c'est un truc sérieux, quoi. C'est un truc sérieux, Pif. Pif, c'est un magazine scientifique américain sur le ronflement. Voilà. Ça, c'est vrai. Et Thierry, j'ai mal entendu ce que t'as dit avant. Ah non, moi, je te dis que c'était tributaire de la... Non, mais j'ai vaguement entendu dire... Un bon mariage. Non, mais j'ai vaguement entendu un mot qui m'a pas tellement fait plaisir. Venant de moi? Oui. Genre, ok. Rita? Oui, Gérard, oui, moi je réponds, donc... Attends, 5 minutes. Attends, Claire, 5 minutes. Philippe? Excuse-moi, là, je suis en train de démouler un cake. Ah. Tu vas pas me dire que celui-là, il fait pas partie, il a pas encore son jet de bois. Thierry, pour l'instant, t'as répondu, maintenant tu laisses répondre Claire, s'il te plaît, merci. Ah, mais je lis le code civil. Hein. Ouais, non, mais tu lis le code civil, pour l'instant, t'as pas besoin de dire le code civil, c'est pas sur le code civil qu'on est, c'est sur les ronflements. Donc tu laisses répondre Claire, s'il te plaît, merci. Mais il y a un article là-dessus. Plutôt t'es, s'il te plaît, merci. Ok. Ok, c'est la dernière fois que je te le dis. Alors Claire? Oui. Écoute, personnellement, j'ai jamais assisté à des ronflements au mariage ou au divorce, mais bon, je crois que c'est tout à fait possible. Quand c'est chiant, on s'emmerde, on dort et on ronfle, voilà. D'accord. Donc, huitième question. Gérard? Oui. Ouais, je voulais ajouter un truc, là. C'est qui? C'est Rita. Oui. Je voulais ajouter un truc, parce qu'à propos, justement, le garçon, là, qui disait à propos du code civil, parce que c'est vrai, Vera. Non, mais de toute manière, j'en ai rien à foutre du code civil. Non, mais c'est la loi. Non, mais j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas le thème. Je vais pas m'amuser à faire un débat sur les bouquins du code civil pour savoir qui a tort et qui a raison lors d'un mariage ou autre. Mais non. Donc, ça, j'en ai rien à foutre. Les sondages qui sont sur le code civil, j'en ai rien à foutre. Non, mais même. De manière, ça m'étonnerait que ça soit marqué que les clauses du ronflement lors d'un divorce ou d'un mariage. Mais non. Mais dans ce cas-là, au lieu de me dire oui, ben dans ce cas-là, vous envoyez les preuves, vous me les ferez lire. Alors, mais comme il n'y a personne qui est capable d'envoyer des preuves réelles sur ça, donc pour moi, c'est des conneries, c'est tout. Pas tant soit plein chez toi. Ouais, bah attends, parce que tu connais mon adresse, là. Mais non, mais tu dis que personne ne t'envoie jamais rien, puis après, tu dis que tu reçois plein de trucs chez toi, faudra savoir. Ouais, mais moi, je reçois des messages d'insultes, d'accord? Ah, d'accord. Donc, sinon, c'est pas des trucs sur des débats. Bah, insulte-moi, ils sont à l'antenne, ils s'insulteront moins dans ta... Ouais, non. C'est pas un débat. Non, mais attends, parce que dans ces cas-là, moi, des thèmes de débat, j'en ai. Hein, sur les préservatifs, sur l'avortement, et puis tout ça. Je vais m'amuser à faire des débats à 2h du matin là-dessus. Hein? Tu veux, Gérard? Quoi? Est-ce que ce débat peut être un peu plus didactique et pédagogique? Bah, pour l'instant, est-ce que... Peut-on ronfler lors d'un accouchement? Tiens, Claire. Ça s'adresse aux nanas. Oh là là, le massacre. Ouais, mais si ça te plaît pas, le massacre, bah tu fais une chose, tu raccroches. Tiens, t'as combien de neurones, sérieux? Bon, allez, hop, dégage. Bonne nuit pour toi. Un pour respirer, un pour chier. Bon, allez. La rhétorique n'est pas très établie, Gérard. Bonne nuit, s'il te plaît. Et toi, Gérard, mais tu ronfles pas, pas Gérard, les neurones, c'est des petits chiens. Non, mais tu me chopes les trois mecs, là, tu l'as. Non, il y en a plus de deux, déjà, Gérard. Hein. Le troisième, il est déjà zappé depuis au moins 30 minutes, tu t'en es rendu compte. Ouais. C'est qui que t'as retiré? Moi, j'ai Philippe, moi. Il est parti. Moi, je n'ai rien dit, Gérard. Cette série, je n'ai rien. Comme par hasard. Comment? Il y a un Larsen, j'ai l'impression, Gérard. Non, non, pour l'instant, Gérard, on accueille Thénard. À la place, bah, à la place de Philippe. Salut Thénard. Thénard, bonsoir. Salut Thénard. Allô. Thénard, bonsoir. Ouais, salut Gérard, tu vas bien? J'ai pas regardé ce matin. Ah, Thénard. Bah, tu. Ok, super. Ok, super. Donc, voilà. Claire. Oui. Si tu pouvais continuer de répondre à la question, s'il te plaît. Donc, est-ce que les femmes ronflent quand elles accouchent, c'est ça? Mm-hmm. Bah écoute, c'est peut-être une drôle de question, mais enfin moi j'ai jamais encore accouché, donc je peux pas te dire exactement mon expérience personnelle. Mm-hmm. Mais à mon avis, bah écoute, si elle fait un bébé ronfleur, oui, peut-être que oui, ça lui. Ok. Il y aura peut-être. D'accord. Barbara? Bah moi je sais pas, mais j'essaierai. Ok, bon bah c'est tout ce que tu peux répondre là-dessus. Bah oui, je sais pas si on m'endort pour. Bon, mais ça, c'est... Attends, quand on fait une césarienne, t'es endormi, hein. Tu crois pas qu'on t'ouvre le ventre comme ça? Et ben, tu peux ronfler si tu dors. Ouais, on peut ronfler en accouchant. D'accord. Ouais, Rita? Ouais, bah, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, là. Mm-hmm. C'est Barbara, justement. Merci pour Larsen. Je sais pas qui c'est, mais merci pour Larsen. C'est pas très sympa, d'ailleurs. Si une femme accouche par césarienne, c'est possible qu'elle ronfle, hein. D'accord. Ouais. Fred? Ouais, bah, moi, je pense que ta mère, elle devait dormir, ouais. Comment? Allez, hop. Bonne nuit, Fred, merci. Au revoir, Fred. Oui. Allez, dégage. Voilà. Hop, ça y apprendra de dire ma mère. Toc. Ouais, on reste poli. Il a dit une insulte. Allez, hop, on reste poli quand même avec la vie privée des gens. C'est quoi le prénom de ta maman? Ça te regarde. Qui c'est qui veut savoir ça? Barbara. Barbara, fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu vas faire comme Fred si tu continues. Ouais, je te demande le prénom de ta maman. Pour l'instant, je te répondrai pas pour l'instant. J'aime ta voix, Barbara. Ben, si t'aimes sa voix, tu te débrouilleras avec elle en antenne, d'accord? En antenne, d'accord. Donc, Thénard. Moi, Gérard, vu que je suis arrivé en cours de débat, je te demanderai gentiment de répéter la question. Non, mais attends. Attends, là, Thénard, là, tu commences pas parce que t'as bien compris la question. Tu as bien compris la question. Ronfle. Non, Gérard, pendant que tu l'as posé, il était au téléphone avec moi, je lui disais comment être cool, sympa. Ok, alors peut-on ronfler lors d'un accouchement? Voilà. Bah, tout dépend si c'est ta femme ou quelqu'un d'autre. Non, mais attends, Manu, t'as dit comment qu'il fallait faire, donc soit tu réponds gentiment à la question. Bah, je réponds gentiment, j'ai rien dit. Non, non, à mon avis, pour l'instant, t'es en train de jouer là. T'es en train de jouer. Bon, enfin, ouais, je trouve que non, c'est pas bien de ronfler à un accouchement. Ça peut laisser des séquelles. Tu te réveilles, toi? Un peu, quoi. Tu te réveilles? Réveille-toi, là. C'est mal. Mais t'as rien. Réveille-toi un petit peu, là. Tu veux peut-être un petit câlin? Oh, oui, je veux bien. Oh, là là. S'il y a une nana qui peut... S'il y a quelqu'un qui pouvait venir faire un petit câlin, Olivier, dans les studios... Ça commence le temps qu'on trouve la nana. Donc, allez-y. Non, non, mais moi, je peux pas un câlin. Son os, en plus, il vient me balancer un os dans la gueule. Il ne va pas dormir. Gérard. Tu ronflais pour son accouchement. Hein. Voilà, Thierry. Je m'endormais. Alors, moi, si je puis me permettre d'être un peu technique... S'il te plaît. Je pense que le ronflement est indispensable si la perfusion est en intraveineuse au niveau de l'input de la line A. Dégage-moi ce schizophrène. On met deux disques et puis on va faire... On fait la conclusion. Perfusion en input line. Allez hop, celui qui dit perfusion dehors. Allez hop. Ça c'est Fred. Non, allez hop, terminé pour vous. Donc, conclusion. De toute manière, on reviendra sur les quatre dernières questions en fin de... Et qui est ta conclusion? Avec toi, parce que... Non, je pense qu'il faut, à partir d'un certain moment, faire la séparation des corps et des biens au niveau de l'ecclésiastisme de... La conclusion! C'est ça. Non, c'est pas la conclusion, ça. Bah, écoute! Attends, qui c'est qui me parle comme ça? Mais je pense que la périodicité menstruelle des femmes ne permet pas le ronflement, c'est tout. Ok. D'accord. Ben, bonne nuit à toi. Hein. Bah, je donne mon avis. Voilà, c'est bon, hein, bonne nuit. Je passe à Ténard pour la conclusion. C'est Pénard. Bah, je te fais ma petite conclusion en chantant. Ouais. Non. Ah, oui. Une chanson. Mignon. C'est mignon. Gérard, c'est mignon. Tu remets ton casque, tu t'assois. De toute façon, il y a un coton de tige au siège. Oui. Ah, tes conneries, ça va se passer tout à l'heure, ça va aller vite. Rita, conclusion sur le premier débat. Conclusion sur le premier débat. Rita. Non, mais attends, Thierry et. Thierry et les autres, bonne nuit à vous. Hein. Ah, j'ai rien dit. Ok. Merci, c'était une quéquette. Non, mais Manu, s'il te plaît. Gérard, c'est Claire. Attends, Claire, 5 minutes. Tu me retires les mecs au fur et à mesure qu'ils ont fait la conclusion. On reprend quelqu'un d'autre pour le deuxième débat. Donc, ma conclusion. Comment? Input line. Comment? J'ai vaguement entendu le mot connard. J'ai entendu, Gérard, c'est Fred. Ouais, alors, Fred, bonne nuit à toi. À toi. Comme ça, la conclusion, elle est vite faite avec toi. Ça t'apprendra. Allez, hop, voilà. Ça y est. Rita. Oui, ben moi je te donne ma conclusion, Gérard. C'est bizarre, la semaine dernière c'était mon petit chou, mon petit lapin, et puis tout ça, maintenant c'est Gérard. T'avais l'air énervé, t'étais énervé donc. Ouais, mais attends, c'est Gérard, et puis c'est tout. Non, mais okay. Attends, de toute manière, t'as envie de faire le deuxième débat? Oui, c'est mon petit chou, Gérard. Gérard, tu fais un câlin? Oui, là. Gérard? Quoi? Gérard, tu fais un câlin? Attends, je te prends en antenne tout à l'heure, toi. Ah, d'accord, tu vas me prendre, ouais. Bon, je fais ma conclusion, mon petit lapin en sucre. Ouais, vas-y. Tu te tais, s'il te plaît, derrière, merci. Il y a Thierry aussi qui veut faire un bisou, Gérard. Quoi? Il y a Thierry qui veut faire un bisou. Non, mais Thierry, j'en ai rien. Sur Minitel, il y a Chris qui dit « Salut, ma femme va accoucher cette nuit, dit à Gérard qu'elle ne ronfle pas du tout. » Ok, c'est bien. Une réponse. Non, en espérant que ça soit un garçon ou une fille. Non, non, c'est pas un garçon, c'est ni une fille, c'est ni un garçon ni une fille. C'est la tragédie. Donc, Rita. Oui, donc ma conclusion, c'est que il y a plusieurs sortes de ronfleurs, hein. Mm-hmm. Donc, surtout les femmes. Donc, il y a des femmes marmottes, comme je t'ai dit. Fontaine. Et puis, la meilleure solution, c'est de donner des baffes. Hein. D'accord. Voilà, toutes sensuelles, toutes. Et puis voilà, c'est bon. Ok, bon, tu quittes pas, je te prends antenne. Barbara. Barbara. Barbara, s'il te plaît. Oui. Tu travailles, merci. La conclusion, oui, c'était bien. C'est bien débrouillé quand même. Non, mais de toute manière, il reste 4 questions sur le ronflement. On va faire la virginité. On va faire la virginité. C'est intéressant. Ouais, je pense qu'on va rigoler un petit peu plus là. Bah écoute, moi j'ai beaucoup appris ce soir. Oui. Je suis très contente d'avoir appelé pour la première fois. Mmh. Et je te remercie, voilà. Tu veux participer à une partie du deuxième débat ou pas? Pourquoi pas. Ok, on te garde alors, tu quittes pas. Merci également aux autres auditeurs qui sont très charmants. D'accord. Tu quittes pas, Barbara et Rita, vous ne quittez pas. Donc, Claire. Oui, alors donc moi je vais dire que ton débat c'est un petit peu soporifique. Mais c'est pas grave. Pas de bonbons. Par contre, je voulais ajouter une petite chose, dire qu'à un moment je t'ai entendu rire, c'était vachement agréable. Donc si ça pouvait continuer comme ça, ce serait bien. Ouais, exactement, je suis d'accord. Plutôt que de gueuler tout le temps, c'est sympa quand t'es de bonne humeur, du moins. Mmh. Alors, t'es beau quand tu fais. Voilà. Ouais, qui c'est qui a cause de dire ça, là? Attends, Claire. Hein, Claire. Quand tu ris, Gérard. Qui c'est qui vient de dire ça? Barbara. Ok. Tu quittes pas, je te prends en antenne avec Rita. Non, c'est Rita ou rien. Quitte pas, il va t'enfiler en terrain. Oui. Quand tu ris, moi je l'ai demi-molle. Non, mais toi, de toute manière, tu dégages, je te veux pas pour le deuxième débat, d'accord? Okay, on est en entendeur, salut. Donc, conclusion du premier débat, donc il reste encore 4 questions. Devant le micro, s'il te plaît. Il reste 4 questions, donc on va abréger sur celui-là, parce que apparemment. Mais la conclusion, on n'était pas déjà en train de la faire, hein? Non, parce qu'on va revenir, parce qu'il reste encore 4 questions. On a fait la conclusion et on revient sur les questions après, là. Je pense qu'on va. On va faire la virginité, donc conclusion. Il y a une petite conclusion quand même affranchie, là, sur Minitel. Mm-hmm. Département 69, âge 18 ans. C'est pas du tout ça. C'est 007, en fait, qui laisse la conclusion. Le dicton philosophique du jour, qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le coton-tige qui pue. Donc, moi, conclusion, c'est bête parce qu'il y a certaines personnes qui sont. Ça fait comme tous les jeudis, et sinon. Ça fait comme tous les jeudis, c'est bizarre parce que la semaine dernière, le premier débat, on avait quand même fait jusqu'à pas loin de 2h30, 3h du matin. Là, il est 2h20, déjà on passe au deuxième débat, donc... D'accord. Je sais pas, donc on va faire le débat sur... Ta conclusion à toi, ta conclusion à toi, ton avis sur, sur le ronflement, sur les femmes qui ronflent, sur les gens qui ronflent. Moi, personnellement, les gens qui ronflent, jusqu'à maintenant, ça m'a jamais gêné. J'ai jamais eu de femme qui ronflait à côté de moi, donc... Même des grosses, jamais. Merci pour ce que tu veux dire là-dessus. Si tu veux parler. Non, moi, je cherche pas midi à 4. Non, mais des grosses couettes. Des 14h. Non, mais des grosses couvertures. Donc, c'est dommage que ça soit pas réveillé plus tôt. D'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'on aurait pu. On aurait pu faire autre chose que le ronflement comme débat, mais bon, apparemment, le Star System avait dit que c'était bon comme question. D'accord. Et alors, donc, pour toi, le ronflement, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, ronfle qui voudra la nuit, mais c'est tout. Tu t'en fous. Voilà. Et toi, tu ronfles? Personnellement, non. Personnellement, tu ronfles pas? Non, mais j'ai jamais ronflé, donc... C'est sûr. Pourtant, je crois que Christine avait dit que tu ronflais. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre d'elle, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème, elle dormira... Hop, au bois de Boulogne, ça y rapportera plus cher, comme ça, il dira pas que j'irai piquer des sous. Là, c'est... Donc, deuxième débat, à moins que Fildar, il peut... Annonce une première question pour réfléchir, je t'amène le titre. C'est quoi le deuxième débat, déjà? Alors, c'est sur la virginité. Non, devant le micro. Donc, c'est le débat sur la virginité. Très bien. Est-ce que les filles perdent sa virginité avant le mariage? Donc, vous réfléchissez. Comme c'est intéressant. Ouais, mais on va s'amuser. Tu m'as fait très mal, tout à l'heure, en balançant le sein. T'avais qu'à pas dormir, mon pote. Tu m'as dévirginité. Par contre, comme on n'a pas encore... Avant de commencer le thème du deuxième...